Louis, vois-tu, c'est trop long pour moi. Ça vous fera de la place. Et, après avoir jeté sa pipe la première, il se précipita lui-même en ajoutant « Bonsoir, j'en ai assez ». Il ne reparut pas. Il était nageur médiocre. D'ailleurs, il s'abandonna sans doute, le cœur crevé par notre ruine et par la mort de tous les nôtres, ne voulant pas leur survivre. 2 heures du matin sonnèrent à l'église. La nuit allait finir. Cette horrible nuit déjà si pleine d'agonies et de larmes. Peu à peu, sous nos pieds, l'espace encore sec se rétrécissait. C'était un murmure d'eau courante, de petits flots caressants qui jouaient et se poussaient. De nouveau, le courant avait changé. Les épaves passaient à droite du village, flottant avec lenteur, comme si les eaux, près d'atteindre leur plus haut niveau, se fussent reposées, lasses et paresseuses. Gaspard, brusquement, retira ses souliers et sa veste. Depuis un instant, je le voyais joindre les mains, s'écraser les doigts. Et, comme je l'interrogeais, « Écoutez, grand-père, dit-il, je meurs à attendre. Je ne puis plus rester. Laissez-moi faire, je la sauverai. » Il parlait de Véronique. Je voulus combattre son idée. Jamais il n'aurait la force de porter la jeune fille jusqu'à l'église. Mais lui s'entêtait. « Si, si, j'ai de bons bras, je me sens fort. Vous allez voir. » Et il ajoutait qu'il préférait tenter ce sauvetage tout de suite, qu'il devenait faible comme un enfant, à écouter la maison s'émietter sous nos pieds. « Je l'aime, je la sauverai, » répétait-il. Je demeurai silencieux. J'attirai Marie contre ma poitrine. Alors, il crut que je lui reprochais son égoïsme d'amoureux. Il balbutia. Je reviendrai prendre Marie, je vous le jure. Je trouverai bien un bateau, j'organiserai un secours quelconque. Ayez confiance, grand-père. » Il ne conserva que son pantalon. Et, à demi-voix, rapidement, il adressait des recommandations à Véronique. Elle ne se débattrait pas. Elle s'abandonnerait sans un mouvement. Elle n'aurait pas peur, surtout. La jeune fille, à chaque phrase, répondait « oui » d'un air égaré. Enfin, après avoir fait un signe de croix, bien qu'il ne fût guère dévot d'habitude, il se laissa glisser sur le toit, en tenant Véronique par une corde qu'il lui avait nouée sous les bras. Elle poussa un grand cri, battit l'eau de ses membres, puis, suffoquée, s'évanouit. « J'aime mieux ça !» me cria Gaspard. « Maintenant, je réponds d'elle. » On s'imagine avec quelle angoisse je l'ai suivi des yeux. Sur l'eau blanche, je distinguais les moindres mouvements de Gaspard. Il soutenait la jeune fille à l'aide de la corde qu'il avait enroulée autour de son propre cou. Et il la portait ainsi, à demi jetée sur son épaule droite. Ce poids écrasant l'enfonçait par moments. Pourtant, il avançait, nageant avec une force surhumaine. Je ne doutais plus. Il avait déjà parcouru un tiers de la distance lorsqu'il se heurta à quelques murs cachés sous l'eau. Le choc fut terrible. Tous deux disparurent. Puis, je le vis reparaître seul. La corde devait s'être rompue. Il plongea à 2 reprises. Enfin, il revint, il ramenait Véronique, qu'il reprit sur son dos. Mais il n'avait plus de corde pour la tenir. Elle l'écrasait davantage. Cependant, il avançait toujours. Un tremblement me secouait à mesure qu'ils approchaient de l'église. Tout à coup, je voulus crier. J'apercevais des poutres qui arrivaient de biais. Ma bouche resta grande ouverte. Un nouveau choc les avait séparés. Les eaux se refermèrent. À partir de ce moment, je demeurais stupide. Je n'avais plus qu'un instinct de bête veillant à sa conservation. Quand l'eau avançait, Je reculais. Dans cette stupeur, j'entendis longtemps un rire, sans m'expliquer qui riait ainsi, près de moi. Le jour se levait, une grande aurore blanche. Il faisait bon, très frais et très calme, comme au bord d'un étang dont la nappe s'éveille avant le lever du soleil. Mais le rire sonnait toujours, et en me tournant, je trouvai Marie, debout dans ses vêtements mouillés. C'était elle qui riait. Ah, la pauvre chère créature, comme elle était douce et jolie à cette heure matinale. Je la vis se baisser, prendre dans le creux de la main un peu d'eau dont elle se lava la figure. Puis, elle tordit ses beaux cheveux blonds, elle les noua derrière sa tête. Sans doute, elle faisait sa toilette. Elle semblait se croire dans sa petite chambre le dimanche, lorsque la cloche sonnait gaiement. Et elle continuait à rire, de son rire enfantin, les yeux clairs, la face heureuse. Moi, je me mis à rire comme elle, gagnée par sa folie. La terreur l'avait rendue folle, et c'était une grâce du ciel, tant elle paraissait ravie de la pureté de cette aube printanière. Je la laissai se hâter, ne comprenant pas, hochant la tête tendrement. Elle se faisait toujours plus belle. Puis, quand elle se crut prête à partir, elle chanta un de ses cantiques de sa fine voix de cristal. Mais bientôt, elle s'interrompit, elle cria, comme si elle avait répondu à une voix qui l'appelait, et qu'elle entendait seule. « J'y vais ! J'y vais !» Elle reprit son cantique, elle descendit la pente du toit, elle entra dans l'eau, qui la recouvrit doucement, sans secousse. Je n'avais pas cessé de sourire. Je regardais d'un air heureux la place où elle venait de disparaître. Ensuite, je ne me souviens plus. J'étais tout seul sur le toit. L'eau avait encore monté. Une cheminée restait debout, et je crois que je m'y cramponnais de toutes mes forces, comme un animal qui ne veut pas mourir. Ensuite, rien. Rien. Un trou noir. Le néant.